Je mets ma peau sur la table. Je suis dans les entrailles de la bête et j'entaille ce siècle. Je crache un éventail de mots secs en braille. Je gratte mes films pour aveugles. C'est de la graille pour âme infirme. Ma vérité pour ceux qui la veulent. Prends le réel en pleine gueule et viens te perdre dans mes idées foncées. Viens sentir cette merde, le shit, l'odeur des rues défoncées. Quand le ciel nous pisse dessus et vient laver le bitume alcoolique. Je parle d'amour, je suis qu'un interprète pour Brelic. Si t'es claustro, conne, porné. Si t'as la gueule fragile, je cogne. Mes images mornes te crameront la cornée. Je t'aime le calme, le silence de mort. Les sons qui laissent passer le soleil. Je suis pas ta cam, là t'es informé. J'écris un autre chapitre de mon existence. J'appuie sur l'accélérateur. J'ai pris mes distances avec le thème. Je reviens la serrer les rappeurs. Je cogne avec insistance. J'ai fait ça pour avoir et pour être. Je les insulte en rafale comme si j'avais le syndrome de la tourette. Mon paradis survolé par un drone. Je marche sous un ciel écarlate. Brûlé par ce courant musical. Je suis sur un trône électrique, lyrique à l'icône. Atric, une bombe humaine. J'avais une mèche pour cordon ombilical. J'vis dans le cul d'un cyclone. Ce bis et moi c'est Goliath. Et David, on fait que tirer des grosses lattes. Remplir des cases vides, se prône. Pas la violence, sauf quand le frigo t'enrhume. Ça pue l'insolence, tu te demandes pourquoi ça parle autant de rue. La mort m'a passé un coup de bigot en août. J'étais sur messagerie. Le diable croit en nous, moi j'pris le ciel, ça brûle. C'est pour ça que j'rime mon ego. Prends des stéroïdes quand t'hésites. C'est la rue qui t'égorge, c'est réel. Pas de l'héroïque fantasy. La vie m'écorche, j'y laisserai pas la peau. C'est une promesse, j'étouffe dans l'air du temps. Le talent c'est mon seul fond de commerce. Y'a pas de Ducan ici, le son est lourd. Plein de cholestérol, tu sais où sont les loups. Les agneaux connaissent leur rôle. Le rap m'a passé l'anneau. Souvent au bord du divorce, je tombe dans le panneau à chaque son qui me force à revenir, on me divorce, t'es le meilleur, t'es pas à ta place, ramène-nous un peu de foudre. Je réponds moi je suis là où je veux être. Et d'ailleurs qu'est-ce que ça peut te foutre. Désolé si t'es fan, je rappe pour moi, y'a rien d'égoïste. Je pourrais choquer la street même en sentant leur frein des choristes. Musique profane, je suis un puriste. Sierre du rap sans bicarbonate. J'ai rendu le passé futuriste. Musique à la pommade. Pas dans vos tripes de caler plus grosses couilles. Je traverse l'époque où rapper la révolte, c'est venu old school. Dis-moi pour qui ta musique païenne roule. Je suis légendaire comme le Atrema et Kenzie en chemise hawaïenne rouge. Pas de traversée du désert, je faisais juste mon cardio. Dis aux trentenaires qu'ils peuvent rallumer la radio. C'est pour les indos qui gambergent les fumeurs de mic qui crapotent. Ce qu'aurait pas leur mot à dire si j'avais mis une capote. C'est vous que je prends pour cible. Si le monde préfère les rappeurs morts, détestez-moi le plus longtemps possible. Le mic est testé, pour te faire de l'ombre y'a pas mieux que moi. Le texte est long, je rajeunis à chaque disque. J'ai même des gosses plus vieux que moi. Je monte trop dans leur estime, j'en viole l'espace aérien. Moi j'ai le cœur couleur Palestine, le Uzi israélien. Délinquante musique, béton armé, vinyle et crossfader. Pour les têtes cramées à la Ghost Rider. J'ai déjà entamé un autre siècle, je me confesse. Dieu me pardonne, la rue elle attend mon album comme Scarface 2. Je ressuscite leurs lettres mortes, font tous une tête d'enterrement. Je les plombe, j'ai longtemps été muet comme une tombe. L.I.N. au bourse, peu importe l'alias, ça va tuer. C'est la longueur de la laisse contre l'épaisseur d'alias. Tu peux chercher l'exit. Ils disent qu'avec le diable, j'ai fait un pacte. 52 mesures et mon rap te prouve que Dieu existe. J'étais béni avant l'impact.